si à 8h37 on n'était pas tout à fait réveillé, bien grâce à Nirvana, c'est le cas. Allez, on passe tout de suite aux anniversaires. Ils sont nés un 14 janvier 1938, naissance de Jack Jones, chanteur américain connu pour son titre Love Boat, le générique de la série à succès La Croisière s'amuse. Alors pour les plus jeunes, ça parle peut-être pas, mais on s'écoute tout de suite un extrait. Exciting and new, come aboard, we're expecting you. And love, life's sweetest reward, let it flow, it floats back to you. Et voilà pour l'extrait donc du générique de la série La Croisière s'amuse. On continue les anniversaires. 1941, naissance de Faye Dunaway, actrice américaine connue pour son rôle de Bonnie Parker dans le film Bonnie and Clyde, vue dans Les Trois Mousquetaires, et on l'appelait Milady dans le rôle de Milady de Winter, vue également dans Network dans le rôle de Diana Christensen, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice, vue également dans Jeanne d'Arc dans le rôle de Yolande d'Aragon, dans la série Alias dans le rôle d'Ariana Kane, ou encore Les Experts ou bien Grey's Anatomy. 1943, naissance d'Holland Taylor, actrice américaine connue pour son rôle d'Evelyn Harper dans la série télé Mon Oncle Charlie. 1948, naissance de Carl Weathers, acteur américain connu pour son rôle d'Apollo Creed dans Rocky 1, 2, 3 et 4, vu dans Predator dans le rôle du major George Dillon, dans la série télé The Shield dans le rôle de Joe Clark, Chicago Justice, réalisateur des séries Les Dessous de Palm Beach et La Vie Avant Tout. 1949, naissance de Lawrence Kasdan, cinéaste américain, producteur du film Grand Canyon, Bodyguard, Star Wars épisode 7, où il est coproducteur, scénariste de Star Wars épisode 5, 6 et 7, des aventuriers de l'Arche perdue, de Grand Canyon ou encore de Bodyguard. 1955, naissance de Dominique Rocheteau, ancien footballeur français, joueur emblématique de l'AS Saint-Etienne pendant le milieu des années 70. Il est également le quatrième meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et avec la sélection française, il a participé aux Coupes du Monde en 1978, 82 et 86. À noter qu'il a remporté avec l'équipe de France l'Euro 84. Il est actuellement directeur sportif de l'AS Saint-Etienne depuis juin 2017. 1956, naissance d'Étienne Dao, chanteur français dont on écoute tout de suite un extrait du titre « Weekend à Rome ». L'extrait d'Étienne Dao. Allez, on continue les anniversaires. 1963, naissance de Steven Soderbergh, réalisateur américain des films Sexe, Mensonge et Vidéo, récompensé par la Palme d'Or au Festival de Cannes 1989. Hors d'atteinte, Erin Brockovich, Seul contre tous. Trafic, récompensé par l'Oscar du meilleur réalisateur. Ocean's 11, Ocean's 12 et Ocean's 13. Che, première partie, l'Argentin. Che, deuxième partie, Guérilla. Contagion, Magic Mike, producteur de Michael Clayton, de de Magic Mike XXL et plus récemment de Ocean's 8. 1967, naissance d'Emily Watson, actrice britannique, connue pour son rôle de Bess McNeil dans Breaking the Waves, vue également dans Gosford Park, Dragon Rouge, Kingsman, le Cercle d'Or, dans le rôle de Fox, le chef de cabinet de la Maison Blanche. 1968, naissance de LL Cool J, rappeur et acteur américain, vu dans Halloween 20 ans après, il revient, Charlie et ses drôles de dames, le film SWAT, mais surtout connu pour son rôle de l'agent spécial à Samanna dans NCIS Los Angeles, ainsi que NCIS Enquête Spéciale et Hawaii 5-0. Et en tant que rappeur, il a notamment interprété le titre I Need Love, dont on écoute tout de suite un petit extrait. When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove. For the first time in my life, I see I need love. There I was, giggling about the games that I had played with many hearts, and I'm not saying no names. Then the thought occurred, teardrops made my eyes burn, 'cause I said to myself, look what you've done to her. I can feel it inside, I can't explain how it feels. All I know is that I'm never dishing of the raw deal, playing make-believe, pretending that I'm true. Holding in my laugh as I say that I love you, saying I'm more, kissing you on the ear, whispering I love you and I'll always be here. Although I often reminisce, I can't believe that I found a desire for true love floating around inside my soul, because my soul is cold. One half of me deserves to be this way till I'm old, but the other half needs affection and joy. And the one thing. Voilà pour l'extrait donc de LL Cool J. 1969, naissance de Jason Bateman, acteur américain, vu dans le film Star Ski Edge dans le rôle de Kevin, Dodgeball même pas mal, Hancock, Comment tuer son boss 1 et 2 dans le rôle de Nick Hendricks, La petite maison dans la prairie dans le rôle de James Cooper Ingalls, ou encore Arrested Development dans le rôle de Michael Bluth. C'est également l'année de naissance de Dave Grohl, musicien américain, batteur du groupe Nirvana. 1970, naissance de Fabien Ramblier, acteur français, connu pour son rôle de Jérôme Couturier dans Premier baiser et Les années fac. 1973, naissance de Giancarlo Fisichella, pilote de Formule 1 italien de 1996 à 2009, 223 courses à son actif, 19 podiums pour 3 victoires. 1979, naissance de Soprano, rappeur français, qui fête donc aujourd'hui ses 40 ans, mais qu'il ne les fait pas du tout. 1986, naissance de Johan Cabaye, footballeur français, qui de 2004 à 2011 a joué à Lille, de 2011 à 2014 à Newcastle, de 2014 à 2015 au PSG, de 2015 à 2018 à Crystal Palace, et depuis juillet 2018, il joue pour le club de Al Nassr Dubaï. 1988, naissance de Ruben Bebemans, joueur de tennis belge professionnel depuis 2005, 84e mondial en 2015, 16e de finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open, 32e de finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à Roland Garros. Et à noter qu'il a été deux fois finaliste de la Coupe Davis avec la Belgique en 2015 et 2017. C'est également l'année de naissance de Johan Maestri, joueur de rugby français, qui de 2007 à 2009 a joué à Toulon, de 2009 à 2018 à Toulouse, et depuis 2018 il joue au Stade français. C'est également l'année de naissance de Jordi, chanteur français qui a fait un carton dans les années 90, oui. Il était encore tout petit, hein, il avait 4-5 ans, et il nous interprétait Dur dur d'être bébé, on s'en souvient, mais aussi Allison. On écoute tout de suite, mais alors un tout petit extrait. Jordi, Allison. Voilà, Allison, c'est ma copine à moi, hein. C'était Jordi. On continue les anniversaires. 1989, naissance d'Élodie Clouval, athlète française spécialiste du pentathlon moderne, qui aux Jeux Olympiques 2016 a remporté une médaille d'argent. Au championnat du monde, elle a décroché une médaille d'or et deux d'argent. Championnat d'Europe, une médaille d'argent. Championnat de France, trois d'or et une de bronze. 1990, naissance de Grant Gustin, acteur américain, connu pour son rôle de Sebastian Smith dans la série Glee, mais surtout celui de Barry Allen, alias Flash, dans la série Flash, également dans les séries Arrow, Supergirl et Legends of Tomorrow. C'est également l'année de naissance de Rémi Lamra, joueur de rugby français qui de 2008 à 2011 a joué à Toulouse, de 2011 à 2016 à Castres et depuis 2016 il joue à Clermont. En 1957, décédait Humphrey Bogart, acteur américain vu dans La Grande Évasion, Casablanca, dans le rôle de Rick Blaine, L'Odyssée de l'African Queen, dans le rôle de Charlie Alnut, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur. En 1977, décédait Peter Finch, acteur britannique vu dans Un dimanche comme les autres, dans le rôle du docteur Daniel Hirsch, Network, dans le rôle de Howard Beale, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur et le Golden Globe du meilleur acteur, à titre posthume. En 1986, est décédé Daniel Balavoine, chanteur français, également Donna Reed, actrice américaine, vue dans La vie est belle, dans le rôle de Mary Hatch Bailey, Tant qu'il y aura des hommes, dans le rôle d'Alma Burke, ou encore la série Dallas, dans le rôle d'Eleanor Ewing. En 2009, décédé Ricardo Montalban, acteur mexicain, vu dans Les évadés de la planète des singes et La conquête de la planète des singes, dans le rôle d'Armando, ou encore Star Trek, dans le rôle de Kanonien Singh. En 2012, décédé Rosie Vart, comédienne française, vue dans Le Gigolo, Angélique Marquise des Anges, mais surtout connue pour son rôle de Marguerite Boissier, dite Maggie dans la série Maggie. En 2016, décédé Alan Rickman, acteur britannique, vu dans Piège de Cristal, Robin des Bois, Prince des Voleurs, dans le rôle du shérif de Nottingham, Raison et Sentiment, on le connaît surtout pour son rôle de Severus Rogue dans la saga des Harry Potter, vu également dans Love Actually, dans le rôle d'Harry, ou encore Le Majordome, dans le rôle de Ronald Reagan. Et on apprenait également le décès de René Angéli, l'agent artistique canadien, un mari de Céline Dion. Allez, on écoute tout de suite Soprano avec son titre Clown. Désolé, ce soir je n'ai pas le sourire, je fais mine d'être sur la piste malgré la routine. J'ai le maquillage qui coule, mes larmes font de la lessive sur mon visage de clown. Je sais bien que vous n'en avez rien à faire de mes problèmes quotidiens, de mes poubelles, de mes colères. Je suis là pour vous faire oublier. Vous voulez que ça bouge? Ce soir je suis payé, je remets mon nez rouge. Mais ce costume coloré me rend ridicule et me colle. Je me cache derrière ce sourire angélique depuis longtemps. Je ne sais plus m'en défaire, mais qui suis-je vraiment? J'ai perdu mon chemin, avez-vous vu ma détresse? J'ai l'impression d'être un chien qui sait que manger sa laisse. Mais ce soir la salle est pleine, vous voulez que ça bouge? Donc je nettoie ma peine et remets mon nez rouge. Le clown de Soprano sur le 107 FM, un peu plus de 8h52. On fait un point rapide sur la météo. La météo. Eh bien aujourd'hui, ce sera nuages et pluie, des températures comprises entre 4 et 5 degrés ce matin, entre 5 et 6 degrés pour cet après-midi. Mardi, des nuages avec quelques éclaircies, des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin, entre 3 et 4 degrés l'après-midi. Et mercredi, on devrait avoir une journée ensoleillée avec quelques nuages, mais aucune précipitation. Des températures comprises entre moins 2 et moins 1 degré mercredi matin et entre 4 et 5 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, on file tout de suite à l'actu sportive. Les résultats sportifs. Allez, on commence avec le football et les résultats de la Ligue 1 et la victoire de Lille 3 buts à 1 à Caen. Match nul entre Lyon et Reims, 1 but partout. Le PSG s'est imposé 3 buts à 0 à Amiens. Saint-Etienne s'est imposé 1 but à 0 à Guingamp. Nice s'est imposé 1 but à 0 face à Bordeaux. Le match entre Nîmes et Angers a été remis. Rennes s'est imposé 1 but à 0 sur la pelouse de Nantes. Dijon et Montpellier ont fait match nul, 1 but partout. Strasbourg s'est imposé 2 buts à 1 à Toulouse. Et enfin Marseille et Monaco ont fait match nul, 1 but partout. En Ligue 2, Nancy s'est incliné 2 buts à 1 face au Paris FC et Metz s'est imposé 1 but à 0 à Orléans. Et en National 2, le match entre Épinal et l'équipe 2 de Lille a été reporté. En basket, en Pro B, victoire de Nancy 76 à 71 face à Orléans. En National 1, défaite du Jet Vosges à 51-87 à 75. Et en National 3, victoire de Mirecourt face à Le Mémelin 87 à 71. Un mot de hockey féminin avec le Mondial U18 où l'équipe de France est championne du monde. Elles ont battu les Pays-Bas 3 buts à 0 et en finale elles ont affronté la Norvège. Elles ont pris seulement un but dans ce mondial exceptionnel, nos bleuettes. Un mot de handball messieurs avec le mondial où la France s'est imposée dans la difficulté face au Brésil 24 à 22 avant de se reprendre samedi contre la Serbie en s'imposant 32 à 21. Hier c'était repos et aujourd'hui c'est match contre la Corée unifiée. Un mot de cyclocross maintenant avec les championnats de France et malheureusement Steve Chenel ne gardera pas le maillot bleu blanc rouge sur les épaules, il a terminé 16e. Le championnat de France a été remporté par Venturini, Yann Grass est classé 7e mais il y aura tout de même un maillot bleu blanc rouge dans le team Chazal Canyon avec la victoire côté espoir d'Antoine Benoît. Allez, on parle maintenant ski alpin avec la Coupe du Monde à Adelboden où le Vosgien Clément Noël a terminé à la 2e place. Un point biathlon avec les résultats de Oberhof sur le sprint. Messieurs, victoire de Louginov devant Johannes Bö et Samuelsson. Martin Fourcade s'est classé 7e, 9e pour Simon Détieux, 24e pour Emilien Jacquelin, 28e Quentin Fillon-Maillet, 29e Antonin Guigona et 46e Simon Fourcade. La poursuite féminine a été remportée par Vitozzi devant Kuzmina, la belle 3e place d'Anaïs Chevalier, 4e place pour Anaïs Bescon, 16e place pour Célia Monnier et 51e place pour Justine Brezaz. Et la poursuite, messieurs, a vu la victoire de Johannes Bö devant les Allemands Pfeffer et Hofer. 4e place pour Martin Fourcade, 6e place pour Simon Détieux, 11e place pour Antonin Guigona, 15e place pour Emilien Jacquelin. La belle remontée de Simon Fourcade à la 16e place. Et Quentin Fillon-Maillet termine dernier français, mais tout de même à une très belle 22e place. Hier, c'était les relais. Le relais féminin a été remporté par la Russie devant l'Allemagne et la République tchèque. Les Françaises terminent 5e. Et le relais messieurs a été remporté par la Russie devant la France et l'Autriche. Et on termine avec l'Open d'Australie. Et les résultats aujourd'hui, Rafael Nadal s'est qualifié en 3-7. A noter l'élimination d'Isner en 4-7, l'élimination du français Manarino en 4-7 par Anderson. En ce moment même, Gaël Monfils est en train d'affronter Dzumour. Federer affrontera Istomin, Cilic se repose à Tomic et Murray affrontera Bautista Agut. Et côté féminin, à noter la victoire de Sharapova en 2-7, 6-0, 6-0. Qualification de Herbert et Stevens, toutes deux en 2-7. Les éliminations de Georges Ostapenko. Caroline Garcia s'est imposée face à sa compatriote Poncher en 2-7. A noter l'élimination de Mladenovic en 2-7 face à Vekic. Et aujourd'hui, il y aura les matchs de Kvitova et Wozniacki. On marque tout de suite une dernière pause musicale avec Daniel Balavoine et le chanteur. Ma vie, être aimé.